89.1. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des palmarès, c'est fou pour la semaine du 21 au 27 octobre 2013. Salut Steph. Salut Matt. Hello. Comment ça va? Ça va bien, tu es? Ça va pas pire. Pourquoi l'accent? C'est toi qui as commencé l'accent. On fait ça souvent, hein? Je sais pas, je prends des accents comme ça. Donc, bienvenue à l'édition complète. Pourquoi complète? Parce qu'on va passer 3 heures ensemble, bien sûr, et on va avoir un paquet de bonnes chroniques pour vous, dont les essais classiques d'assemblage requis. Oui. Le palm rest in peace. Oui. Deux entrevues, pas une, pas trois. Deux. Comme le nombre de doigts que je vous montre présentement. Peace and love. Paix dans le monde, comme les top modèles disent lors des Miss America. Miss. Je fais un rêve. J'ai rêvé que c'était la paix dans le monde. Oh, c'est cute. Donc, la paix dans le monde sera accomplie par Alex Nevsky plus tard. Entre autres. Mm-hmm. Et aussi, attention, monsieur, madame, Lila dit ça. Oh, qui a dit ça? Ça va être Lila. Là. c'est Libby, c'est là. Ah, d'accord. Lee est là. Donc, ça va être ça. On va aussi avoir pas mal de choses. Ailleurs, dans les palmarès, évidemment, va être là. Palmarès in peace, peut-être? Je l'ai dit ça tantôt, mais ouais, aussi, ça ah va ouais? être là. Je pensais que ça avait juste dit des instants classiques. C'est pas grave. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 anglophone, c'est toujours Royal Canoe et Bathtubs. Et du côté francophone, on se demande si Summerland est encore là avec la pièce Coup de vent. Ouais, ben là, il va falloir attendre encore un petit peu. Et je veux dire, les numéros 1, c'est beau, mais c'est rien que dans 3 heures. Parce qu'on commence pas avec des affaires genre au sommet. On commence par le fond du baril. Donc, voici les palmarès fous. Édition New Shit. Bonjour et bienvenue à l'édition New Shit des palmarès fou pour la semaine du 21 au 27 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oh oui, on va entendre de la nouvelle musique. C'est le début de cette semaine de palmarès. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles entrées. Des nouvelles entrées? Il n'y en a pas beaucoup, par contre. Juste 4. Mais moi, ça me satisfait. Je suis un gars qui se satisfait de très, très peu. Mais c'est vrai que tant qu'à envoyer des pièces qu'on adore pour les remplacer par des pièces qu'on n'aime pas, mm-hmm. on préfère qu'il y ait moins de nouvelles entrées, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. D'avoir seulement que 4 nouvelles entrées, ça me fait un petit palm rest in peace, un petit peu plus simple tout à l'heure à diffuser. Donc, ça s'en vient juste après le bloc de nouvelles entrées. Donc, plus tard dans le bloc, il va y avoir les Sœurs Boulées. En fait, on va faire 2 blocs avec ça, mais plus tard, les Sœurs Boulées, The Albertines et The Darcy, nous allons débuter en 20e franco. Et c'est la pièce Tout explose des chercheurs d'or. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai déjà écouté, mais je l'aime pas. Maintenant, est-ce que c'est du sarcasme, Mathieu? Quand même, hein, le sarcasme est... était particulièrement subtil ce coup-ci. Ouais, t'as pas eu un accent sarcastique. C'est donc, le pays, là. Oui, le sarcastique temps, c'est excitant. Le sarcastique temps. Ça, c'est excitant. Ouais. Chercheur d'or. Pas mal assez fou. Ouais. Sarcastique temps, c'est pas si. C'était drôle. Oh, c'est pas super. Cette histoire est sinistre et vous êtes un terrible mari. En voulant tuer votre femme, 23 ans auront perdu la vie. Je ne prendrai pas de blâme, l'hécatombe de saut au cochon. Je n'ai pas fait la bombe, ce n'est pas moi qui l'ai mise dans l'avion. On l'a jugée maison d'appoint perdue de temps. Et sans une preuve que le souffle du vent au bout d'une corde, il est parti en dansant. Soyez braves, n'est-ce pas là une pure folie? catastrophe, cap tourmente. Mais comment diable vous y êtes-vous pris? Généreux, c'est sa faute. C'est lui qui a mené le complot. Car c'est grâce à ces pendules qu'ils n'ont jamais gagné Bécomo. On l'a jugé, mais on a point perdu de temps. Et sans une preuve que le souffle du vent au bout d'une corde, il est parti en dansant. Quant à vous, Marguerite, vous avez l'air de vile manie, innocente marionnette, mais c'est vous qui portiez le colis. Je ne suis pas coupable, mais si je monte sur l'échafaud, je deviendrai célèbre. On se souviendra de ta. Mais on n'a point perdu de temps. Sans une preuve que le souffle du vent au bout d'une corde, elle est partie en dansant. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Awesome. nouvelle entrée. Non, je n'aurais jamais pu penser que tout erreur avait son bon côté. Toi, tu lis l'avenir dans nos traces et tu gardes beau à la surface. Ceux qui n'aimaient pas les chercheurs d'or ont dû se plaindre deux fois plutôt qu'une. Ils ont été gâtés, hein? On vient d'entendre les chercheurs d'or avec la 20e position francophone. Si tout explose sur l'album, les chercheurs d'or. Alors que du côté anglophone, c'était Hunting de The Darcys. Et on a débuté avec une autre pièce des chercheurs d'or. C'était la suivante, en fait, non, la précédente sur l'album. Dame Corbeau. J'ai mal compté, c'est ma faute. J'ai juste mal compté. Mais non, c'est le lecteur CD qui a mal compté. Oui, mettons. Techniquement, j'ai juste reculé à partir de la première, puis ça m'a mis 9e, mais finalement, c'était 10e. T'as reculé? J'ai reculé. Oh! Ouais. T'aurais dû laisser ça sur le dos du lecteur CD. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais m'assumer. Je t'en voulais pas, là. Non. Là, je t'en veux. T'es bien fine, ouais. Là, t'es moins fine. C'est pas grave, on s'en fout. Donc, trois pièces qu'on a entendues, dont deux de nouvelles entrées, puis une qui n'a pas rapport dans la gang. Trouvez l'intrus, t'sais. Il nous reste deux autres nouvelles entrées à l'entendre. Les 19e places. J'ai bien hâte de me mettre sous les oreilles une pièce de Albertans et ses Casual Encounters en anglophone. Mais tout juste avant, on va l'entendre Map Monde des Sœurs Boulées.

The Albertans et la pièce Casual Encounters, nouvelle entrée en 19e place anglophone sur l'album Dangerous Anything. Et du côté francophone, c'était Matt Monde des Sœurs Boulay. Ouais, nos préférés dans les quatre nouvelles entrées, je dirais que The Darcy's de mon bord. Oui, moi aussi. Moi. Ouais, je crois que c'est unanime. Ouais, c'est la première position. Ensuite, les cases 2, 3 et 4 sont libres. Country, c'est pas pour nous autres. On sait qu'il y a un public pour ça et on vous le fait entendre quand même avec nos commentaires savoureux disant qu'on aime pas ça. En fait, moi, je sens pas ça comme du country parce que, admettons, si on parle de la Bolduc, par exemple, qui est très folklore, pas folklorique, mais tu sais, si ça vient de notre terroir. Folklorine. Ça, moi, j'aime ça, la Bolduc. Ah oui, hein? Mais c'est peut-être parce que c'est quétaine. Ça, ça l'est pas assez ou juste un peu, tu comprends? Ouais. Faut que t'ailles dans les extrêmes. Ouais. On est une radio d'extrême, on l'a dit. Exactement. Les extrêmes, ça nous anime, quelque chose comme ça, dit-on. Voilà pour les nouvelles entrées de cette semaine. Et évidemment, étant donné qu'on a quatre nouvelles entrées, ça veut dire qu'il a fallu dire au revoir à quatre pièces. À moi, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit salut à la cuisine, au salon ou à la shed. Quatre pièces, c'est... Les quatre pièces quatre auxquelles pièces. On dit au revoir. D'accord. Voici Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Les pièces qui ont quitté les palmarès si fous depuis l'édition du 14 au 20 octobre 2013. On a commencé avec Ta cadence de Navarre. Ensuite, c'était Le couleur avec Femme. On a suivi ça de Caveman avec In the City. On a terminé avec San Cisco et Awkward. Triste, hein? Oui, des grandes pertes. Oui, des grandes pertes. Pour si peu de remplacements. Je m'excuse. Et on,

L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. Tel qu'on s'est rencontrés, on s'est embrassés. Avoir que nos deux mains se touchent. Et qu'un ne fasse plus qu'une seule, les mains immensités des fois soudées par le choc. C'est là qu'on explose. Un peu plus et puis c'est drôle. Les neiges, la vitre, la carrosserie, des glingues, la vis, ça sent la gasoline. Comme si GM avait créé une ligne de parfum. comme si nos corps n'étaient qu'un soir. Lutteur, tu sais. Ouah! J'ai pas vu de lutteur, désolé. Moi non plus. Je suis avec Painful Like, position numéro 13, qui monte de 6, c'était à nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, on a entendu, mon Dieu, on a entendu quoi? 13, Mimi Van Der Glo et Accident de char. Avançant en 14e anglophone, c'était Miss Mister et Think of You. Alors que du côté francophone, c'était Princesse Carnivore de Violette P. Petit bloc de 4, comme ça, en plein milieu de l'émission, là. Un bon petit bloc, ça a fait du bien. Oui. On s'est remis de nos émotions. Oui, c'était tellement difficile en début d'émission, rappelons-le. Maintenant, je me sens revigorée. Ah oui! Donc, on va faire un autre petit bloc composé de multiples pièces, plus que deux, sauf pas quatre. On va y aller avec trois, ce coup-ci. C'est ce qu'on appelle un bloc trois quarts. Plus tard, on entendra The Cat Empire et Bravo Funkin'. Mais on va commencer du côté francophone en 12e place. Et c'est J'aime quand tu m'appelles mon amour de Sonny Duval. Ça n'est pas mal assez fou. C'est fou! Wow, t'as tiré la note, toi? Sur sa fit, ça. Non? Ok, excusez. Son regard est éternel. Marraine à mon cou, des étoiles dans le garde-fou. Ta voix résonne jusqu'au ciel, au ciel. Sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. We'll be right back. the evening and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monkey's in the blood. What a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the forest, and Nancy's in the flood. The black swan makes a pirouette, the gods cry from above. And all the rain keeps falling on bare feet in the mud. T'as fait des palmarès, man! Je te cachais. Oh, motadine! Brighter Than Gold par The Cat Empire. C'est la position numéro 11 du côté anglophone. Et du côté francophone, c'était Tant pis pour nous de Bravo Funken. Et tout juste avant, on a entendu J'aime quand tu m'appelles mon amour de Sonny Duval. Tout à fait. Et tant pis pour nous que cette heure des palmarès et fous soit terminée. Mais tant mieux pour nous, parce que ça continue après. Oui, dépendant. Si vous écoutez le jeudi ou le dimanche, on continue dans quelques instants. Si vous écoutez la version quotidienne qui est du lundi au mercredi à 17h, on se retrouve demain. À bientôt! Ciao! C'est fou. 89.1. Bonjour, bienvenue à l'édition Top 10 des Palmarès assez fous pour la semaine du 21 au 27 octobre 2013. Salut Stéphanie Paradis. Salut Mathieu Plante. Ah oui, Top 10, c'est déjà comme plus vers le haut un peu, là, tu sais. Ouh, on s'en vient vers le top 5, là. Ouh. C'est dangereux, tout ça. Dangereux? Attention. Pourquoi ouais. Dangereux? On pourrait se couper sur le bord des CD ou des feuilles. OK, paper cuts. On fait attention à ça, t'sais. Des paper cuts de bonne musique. Ah, des oreilles, ça te saigne des oreilles, là. Oh yeah. Donc, top 10 à 6 qu'on va entendre dans cette portion d'émission. Tout à l'heure, on aura Fur Trade en 10e anglophone avec Don't Get Heavy qui descend de la 3e place. Mais on commence avec le côté francophone, c'est stable en 10e place et c'est No Call de Jimmy Hunt. Ben là, c'est fou. Édition top 10? 89 FM. Batterie. Poum, poum, c'est quoi ça? Un gong. Ça doit être une bass. Sûrement une bass. Un gong. Un gong de bass. Change de note quand tu changes de place sur le gong. je m'y connais en musique, tu sais. Ben là, je prends un guess. Là. Oh. plus capable d'écouter des chansons quand je fais des jeux de mots dessus. Tu sais, comme celui-là, c'est... Viens pas trop grosse. Mais là, je suis plus capable de l'entendre sans chanter ça par-dessus. Ben, moi non plus. C'est... Donc, viens pas trop grosse. C'est comme à l'époque avec Mother Mother et la pièce Bit par Bit. Oui, Bit par Bit. Ou encore Peter Peter avec Tout dans ma tête comme un lave-vaisselle. Ah non, ça, tu gâches vraiment. Je sais. Tu gâches toutes mes émotions. Je sais, mais je suis pas capable. Ou l'autre, toi, tu m'appelles. Je la chante, pis c'est pas ça les paroles, c'est... Comme toi, tu m'appelles pour aller faire des châteaux de sable de Rouge Pompier. C'est moi qui gâche ma vie avec mes propres blagues poches de chansons. Ben c'est ça, gâche seulement la tienne, s'il te plaît, pas la mienne. Ah non, mais si je dois couler, vous allez tous couler avec moi. Donc, on vient d'entendre les 10e places. C'était Fur Trade avec Don't Get Heavy qui descend de la 3e place. Et du côté francophone, on a entendu No Core de Jimmy Hunt. Ouh, ça sonne bien, No Core. No Core. J'en avais fait une blague au début de No Core. No Core? Ouais. Mais je me rappelle plus de la blague, tu vois? Tant mieux. Peut-être que c'est pas No Core de pied, genre. C'est ça. Donc, on est rendu au 9e. Du côté anglo, c'est Seth the Whale et Mother qui monte de la 20e place, donc de 11 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté francophone, c'est stable et c'est là pour l'heure de Midi Cayenne Club. C'est au palmarès, c'est fou! Édition top 10! J'ai ramassé une guitare, je sais pas si je crois à l'art pour l'art, parce que j'ai honte de notre monde. Ce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer. Pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés. Et faire sortir de l'enfer ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? My reach adopts some ugly habits that are bad for me and treats a lot of stuff so easy. security that I need. Undercover, I hope forever. Mother par Sidwell. Oh, excuse-moi. Non, tu chanteras plus tard, man. Pas ton tour. Il est donc bien pressé. Hey, sérieux, les artistes aujourd'hui. Donc, je sais de Well avec Mother qui monte de la 20e à la 9e position anglophone. Et du côté francophone, on a entendu L'air pour l'air de Midi Cayenne Club. Ouais. Tantôt, on aura Jason Bahala et Dinosaur Bones. OK, là, tu peux chanter si tu veux, mais pas trop vite par contre, parce que t'avais l'air d'être parti pour starter pas mal vite sec pendant un temps. Tu me fais pas deviner qu'est-ce qu'on s'en va entendre. Devine donc, voir. T'as trois chances. Palmerus in Peace? Non. Une entrevue? Non. Sœur Boulay? Non. Calisse, je me suis planté. T'as manqué ton coup. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 21 octobre 2013. Les chats peuvent apprendre à japper. Et on va écouter ça ici, attention. Un chat qui jappe. Un chat qui jappe. Je t'ai maloc, là. C'est un chat. C'est un chat. C'est un chat. Qui aboie? Oh, oh. Que voulez-vous, hein? On peut pas te tawaire, hein? Ben non. C'est comme disait l'autre, là. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait... on finit pas avec chat. Allez, chat! Hey, c'est un bon chat, un matin. Le plus long... Oui. La machine à numéro 2. À numéro 2. Le plus long à jamais avoir été enregistré dans la vie, c'est 26 pieds. Et il a documenté ça à la Cranbrook Kingswood High School Bowling Alley à Bloomfield Hills au Michigan. Il a vraiment voulu faire ça. Là. C'était un défi qui s'était donné. Wow. C'est la longueur de son colon et il s'empêchait lui-même d'aller faire ce qu'il avait à faire, okay, aller porter les enfants à la galère. Oui. C'est tout un dallo. Ah, à cause de bowling alley. Tout un dallo. Ouais. Mm. En tout cas, lui, il trippe plus ses grosses que ses grosses. Oui! Je fais le tour. Mathieu nous a conté que tu as vu quelqu'un se raser au volant. Oui! Quoi? C'était fourré un rasoir électrique, je me suis la batterie, et puis il se rasait comme ça au volant. Ben, voyons donc. Hey, il allait vite, là, en plus, sur la route, là. Oui. Ah non, il y a des choses que je ferais jamais, là. Voyons donc, là. C'est sur Gêne H. Cruyère. Oui. Puis en plus, ce que Mathieu nous a pas dit, mais qu'il m'a dit hors d'onde, c'est qu'il était en train de se trimer l'entrejean. Il s'épilait, là, tout le bras, puis il avait ses bas collants à moitié mis. Ben là. Oui. Oui, oui. Ça n'arrêtait hey. Plus. Ah, je pense que là, je viens de faire un... Il s'appelle-tu Mado? Dinosaur Bones. Des petits os de dinosaures. Oui, est-ce qu'on fait un vœu en séparant un os de dinosaure? Oui. À trois. Il faut avoir du bras. Brando Bones! Fix. Vapor Rub. Ah oui, OK. Quand tu t'en mets un petit peu sur le chest. Oui. Puis tu s'en vas au 10-12. C'est ça. Pour chiller. Ouais. Hey, demande-moi ce que j'ai fait en fin de semaine. Hey, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'ai chillé con carne. Je venais la placer depuis longtemps, merci. Chillé con carne. Depuis longtemps. Puis pour les végétariens, c'est chillé sin carne. Sin carne. Sans la viande. Oui. Du fromage. Mais du froum. En général, du froum, hein. Ouais. Ah oui, les jeunes appellent ça de même, hein. C'est frais, ça. C'est frais. C'est frais. Du froum. Si c'est une poutine, je demanderais un extra froum frais, s'il te plaît. On s'imagine bien des choses, hein, c'est souvent sexuel. Là. Non. Non. Non. J'ai une blonde, puis je l'aime. Des fois, je pense à une poutine. Ah, tout nu. Tout nu, oui. Mais du Cayenne Club, il y a un extrait du palmarès francophone sur leur album Nana Boubou. Nana Boubou. Nana Boubou. Qui est des fois ce que certains gens ont envie de faire certains matins au travail. Des fois, ça se peut que ça aille mal, mais on est là pour vous mettre de bonne humeur. Voilà. Nana Boubou. Nana Boubou. Il n'y en a pas des boubous. On retourne à la chronique d'art et spectacle d'Alexandre Carignan. Tu joues du piano? Oui, je te l'avais jamais dit. Non, je savais pas ça. Tu erres piano. Mais pourtant, t'as pas de main. Elle joue la guitare en même temps aussi. Ben c'est ça, donc Chantal, elle joue des instruments de musique et elle compose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle danse un peu? Elle danse pas, par exemple. Elle danse pas. Dans le fond, tu peux l'appeler Chantal, tu peux pas l'appeler danseuse. Non. Mais tu peux l'appeler, joue des instruments musicaux. Oh, Seigneur. Chantal, ouais. Aïe, aïe, attends, là. Ouais. Ça va, ton chat veut boire lui aussi. Il te faut du vin non alcoolisé pour chat. Ah, le Nian Nian Nio Veo, qui est une bouteille de... Ça, c'est miau en japonais. Oui. OK. Nian Nian Nio Veo. Miau. En français, miau. Moi, je pensais que ça ressemblait plus à Onion Ring. Ou l'Omnium du Rock. Qu'est-ce que j'aime pas? Non, ça serait trop long à dire. Les PC. Les PC, j'aime pas les PC, c'est vrai, c'est vrai. Certaines personnes, peut-être, des fois. Le sport? Le sport, oui. L'extérieur. L'extérieur. Parce que c'est pour les autres. Le froid. Le froid. Le chaud. Le chaud. Le tiède. Pas vraiment de chant dans mon... Ben, pas ah, c'est des chats qui ont un captcha, c'est vrai. Oui, pas des chants. C'est des chats de chats. Des chants de chat. Des chants de chat. Miaou la la la la! Miaou la la la! C'était un chant de chat. Un chant de chat. Qui disait je gambade dans le chant. Traduction, c'est vrai. Oui. Comme en sous-catégorie de se déguiser, c'est avoir le droit de s'habiller en femme sans se faire juger pour les gars. Hein? Oui. Tu sais, quand toi, ta règle, c'est pas le premier samedi, c'est juste le mercredi. Oui, c'est tout le thème. Du mois d'octobre. Oui. Dans les mois qui finissent par robe. Arbre. Oui, comme les. Comme par les robe. Arbre, excuse-moi. Qui finissent par robe, exactement. Par robe. Ah, oh, c'était comme un semblant de blague. Mais c'est toi qui. Non, mais excuse-moi. Mais c'était pas voulu. Mais non, je suis tellement fort que je m'en rends pas compte. Waouh, tu benches 400 de la joke. Oh! Il y a une souris dans l'ordi à droite. T'entends-tu? Si, mettons, je monte mon micro trop fort. Mais pauvre titre, il faut lui donner à manger. Oui, oh. Faut très fort, ça. C'est triste, hein? Je pense que la souris, elle se plaint depuis le début de l'émission. C'est comme. Oui. Hein, c'est pas parce que je suis dans un ordi que j'ai pas droit à ma petite roulette. Tout offusqué. Ouais. Ah, hey, sais-tu quoi? Mais j'aurais envie que la souris dans l'ordinateur nous fasse une aparté. Ah! Maudit, là. Il parle de moi. Il imite la souris. Maudit, il me parle de moi, là. Pourquoi j'ai pas de roulette? En tout cas, si. Si c'était un Mac, j'aurais une roulette. Moi aussi, j'ai eu ça les PC. Oui. Ça fait 20 ans que j'ai pas mangé. Toute proportion gardée, ils ont plus de chances de gagner que leur père aux élections. Donc, ça se pourrait que l'enfant supplante le père. Le paternel. Le paternel. Que le père se fasse fourrer. Prends celle-là. Ah, merci. Je vais le prendre. Prends-la, prends-la. Legault, qui fait son petit livre de 300 pages qui ressemble à un catalogue IKEA. Le mot que je voulais sortir, c'était catalogo. Oh, catalogo. OK, un 10 sur 10. Merci. Oui, celle-là est bien. On dit le Pickle, le petit chien, maintenant personnage récurrent dans l'assemblage requis. Je sais pas, là, on va voir. Il parle aussi. L'ordre mondial sera rassuré par le néolibéralisme. Ça, c'est Adèle qui zigne, c'est ça? Oui. Oui. Dès qu'on parle de... Dès qu'on... C'est le langage des zignes. Ah! Ah! Oui! Dès qu'on présente une liasse de billets, Odile bave et devient tout folle. Ouais. Pauvre Odile. Pauvre Odile. C'est vraiment une liasse puis une chiasse, juste après. Ça va passer besoin. Exactement. Tout à l'heure, c'est ça, tu sais, j'ai genre l'ordinateur ouvert ici devant moi. Ouais. Tout à coup, l'ordinateur, comment dire ça, il fait une crise d'épilepsie. OK. Puisqu'il fait comme, ouais, je suis allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint. Je fais, oh non. Jusqu'à temps que je me rende compte que, finalement, c'est... c'est la jambe à David qui a accroché la pâte. depuis tantôt. Non, non. T'es-tu sérieux? C'est oui. Pas vrai. Je te jure. C'est des blagues. Mais écoute, c'est du bonbon. Il n'est pas reposé, David Ferron. Hein? Tu crois ça? C'est incroyable. Ça se peut juste pas, David Ferron, cette semaine. Et après ça, il se demande comment ça fait qu'on parle de lui quand il est pas là. Ben, c'est qu'il est tellement, quand il est là, incroyablement, comment dire, original. Envahissant. Spécial. Différent. Particulier. Extravagant. J'en ai plus d'autres, là. Que tu peux pas en parler. Hein? Oh, c'est un phénomène, là. En effet. David Ferron, retrouvez-le à toutes les semaines à Assemblage Requis. C'est les jeudis matin à 8h. Mais nous, on est en direct, Jean-Philippe Charbonneau et moi, Mathieu Plante, du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Ici même sur C'est Fou, 49,1 FM majuscule. Voilà. C'est bien dit, hein? Ah, les essais classiques. Encore une semaine mémorable. Depuis le début de l'automne, les semaines sont pas mal toutes mémorables. Mais c'est une grosse année. Vraiment, là? C'est une bonne année. Je sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir un lien là-dedans, quelque chose de nouveau, comme, mettons, je sais pas, un nouveau co-animateur, hein? qui me donne un surplus d'énergie. À chouing! À chouing, badaboum, badabing! Donc voilà, pour les essais classiques, on retrouve ça à ici même au Palmarès C'est Fou toutes les semaines. Maintenant, on continue avec les 8e places. Du côté anglo, ce sera Dinosaur Bones et Sleep Sick qui montent de 10 places. Et du côté francophone, ça a descendu de 6 places par contre. Mais ça reste bon, c'est Armée de Montgolfière de Jason Bayala. Rajoute un petit peu d'air chaud là-dedans. Une Montgolfière pour ça bon, c'est de l'air chaud, hein? Fait que ça va être hot! Faut que tu y pètes dedans. Dans Montgolfière? Ouais. Le soleil sur le point d'éclat est une épanche suppliant qu'on le sort. Nous maquillons les morsures d'hier, nos parachutes nous suivent derrière. Et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines d'ailes comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'aurore porte conseil malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Nos yeux franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche, nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les rimes sont jolies, vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'aurore te conseille malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le conseil. CFOU 89.1. It's C'était Dinosaur Bones et Sleep Sick qui montent de 10 places. C'était nouvelle entrée la semaine passée. Maintenant, c'est en 8e place anglophone. Et du côté francophone, figure-toi donc, c'était aussi en 8e place. C'était Armée de Montgolfière de Jason Bayada. Hey, c'est comme si tout le long de l'émission, on jouait les deux positions de chaque chiffre ensemble. C'est fou, hein? Mais pourtant, c'est un total hasard. Détrompez-vous, là. Tout le long de l'émission, des hasards par-dessus hasard. Avant de passer aux 7e place, je dois vous rappeler que plus tard à l'émission, dans quelques minutes, on aura notre correspondant Denis Janvier qui a reçu Lila Dissa dans nos studios. Notre correspondant de guerre. Ça fait vraiment vrai, dit de même. Hein? Oui. C'est comme super professional, you know. On dirait qu'on l'a payé. C'est ça, ce qui n'est pas le cas. Pas le cas. Donc, 7e position anglophone, c'est Huckerville River et Lido Pierce Suicide Car qui montent de 10 places. C'était la nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté francophone, c'était le numéro 1 de la semaine dernière. Mon Dieu, il a donc bien descendu. Et on est dans la deuxième heure, c'est Coup de vent de Summerland. Ben oui, t'as un coup de vent, c'est comme une pancarte, ça te tombe dans la face, puis ça te fait une cicatrice à côté de l'œil, puis ça, des fois c'est charmant, ça. OK. Fait que wow. Je vais te sacrer un coup de pancarte c'était dans la face. Quoi, cette histoire-là? Je sais pas. Fait que je serais plus belle avec un coup de pancarte dans la face. Ça, c'est tout ce que tu mérites. Tu voudrais me le replacer un peu, t'as trouvé croche, c'est ça? Baf, on dit pas vraiment baf, hein? Non. Boum, paf, pow. Kaplow. Kaplow. C'est beau, ça. Je retire mon coup de pancarte. Thank you. Lido Pierre Suicide Car par Uncleville Rivers, la position numéro 7 qui monte de 10. Et du côté francophone, on a entendu l'ancien numéro 1, c'était Coup de vent de Summerland. On est à quelques minutes de l'entrevue avec Lila Dissa, donc on va faire un bloc spécial, on va le virer de bord, toi. Ah ouais, virer de bord, madame. Oh, tabarouette. Lila Dissa. Par en arrière. J'en dis, vire-toi de bord, oui. J'en dis, on va te préparer en arrière. Donc, on va entendre l'anglophone en premier. Donc, ce sera MGMT avec Your Life is a Lie qui monte de la 14e place. Et après ça, on va entendre la 6e francophone, ça a monté de 6. Et c'est Tennessee de Lila Dissa. Je comprends plus rien. Si tu croches, as-tu pris une pancarte d'en face? Référence à plus tôt dans l'émission. Ben oui, mais au moins, tu m'as manqué. T'as pogné le palmarès, t'as tout viré de bord. Don't say a word, I'll tell you why. You're living a lie, your life is a lie. But you deny, you live a lie. Wondering why, barely alive. Count your friends on your hands. Now look again, they're not your friends. Hold your breath, everyone left. No surprise, living a lie.

C'est la pièce Aura Cinematica de Lila Dissa sur leur album Ruelle Palace. On vous rappelle le spectacle qui a lieu le 26 octobre. Ça se donne à être samedi. Et c'est au Café Bar, le Zénab de Trois-Rivières. On remercie Lila Dissa en entrevue tantôt et on remercie Danny Janvier pour l'entrevue qu'il a fait avec un... notre correspondant de guerre. Oui, exact. On se retrouve dans la prochaine édition des Palmarès C'est fou. C'est l'édition Top 5. C'est soit dans quelques minutes pour les gens du jeudi et du dimanche. Sinon, c'est demain. Dans 24 heures, 23 heures, parce qu'on est une heure. Hein. Oui, arrivez pas dans 24 heures, c'est pas ça. Ça va être passé. Bye. À bientôt. Bienvenue à l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 21 au 27 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. C'est le sommet de ces palmarès. C'est la montagne. Vient d'être presque montée. C'est pour ça là, je t'arrête de manquer d'oxygène. Est-ce qu'elle a des... Oui, ben moi, c'est en permanence. Je sais pas, j'ai sûrement un problème. Mais toi, oui, c'est sûrement toi, pour ça. Toi, tu manques de source parce que tu fais pas de sport. Ah! Je t'annonce ça comme ça. Ben, là. Merci quand même. Ben... T'as bien raison. Position numéro 5 de chaque côté. Ah, avant de vous dire les numéros 5, plus tard dans l'émission, on va avoir une entrevue à Alex Nevsky. Ok, oui! Et une performance en direct. Et en plus, une performance de nous deux en direct aussi. Mais pas oh en direct. Mon Dieu, j'avais oublié ça. Ouais. J'avais vraiment oublié. Pour vrai, hein? J'étais comme, oh non. On va revoir une certaine chanson dans la tête. Vous saurez laquelle d'ici la fin. Mais avant, en 5e place anglophone, c'est The Dice et Experimental Fiction qui monte de 3 places. Et du côté francophone, ça a descendu de 2 places et c'est Petit Pain de Panache. Pas mal, c'est fou, édition top 5! Pas pour l'instant.

Promise Not to Think About Love de Baja Bulat. C'est la position numéro 4 anglophone, ça monte de la 13e. Et du côté francophone, ça monte de la 14e et c'est La Fièvre des Fleurs de Clopelgag. Et les deux sont là depuis 5 semaines. Ouais. Cinco suaves. C'est quoi semaine en espagnol? Je sais pas. Semaine, ça doit être semenos. Semenos, oui, ça marche comme ça en espagnol. Ah, t'es vraiment polyglotte, hein? Oui, papi. C'est mieux qu'à d'être poly et autre chose qui commence avec puis qui finisse avec lotte. Poly échalote. Évidemment, poly échalote. Si quelqu'un qui aurait plusieurs échalotes. Oui, en dessous des bras. C'est ça. Donc, on a aussi entendu avant ça en cinquième place du côté anglophone de Dang, c'est Experimental Fiction qui monte de trois places. Et du côté francophone, c'était Petit Pain de Panache de l'album Vie de velours. On est à quelques minutes de l'entrevue avec Alex Nevsky qu'on a fait un petit peu plus tôt dans la journée même. Oui, c'est tout frais. D'habitude, c'est genre plus tôt ce mois-ci, le mois passé. Non, là, aujourd'hui. Non, l'entrevue est encore chaude. Chaude, oui. Faudrait pas y toucher. Elle sort du four. Mais avant ça, on est rendu aux troisième place du côté anglophone, c'est Random Recipe et Joy. Et du côté francophone, ça monte de deux places, c'est Gros Boc des Frères Goyette. Pas mal assez fou édition, top 5. Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens au minimum, toujours été low profile. Au moins essaye, je mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse-cour, chante le jour pis dans la nuit. Coiffe mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un bungalow dans Graceland, fan d'Elvis. Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous en way. Bouge comme le king en way. Bouge, m'inspire ailleurs. À l'idée, cash. J'en connais une coupe cash. Mon as, sème le doute. Mais le man dans le temps, sans jamais me tenir au courant. Marche mes classiques. Fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres. Une bière en fût, ben loin le monde. Check one, two. Manque mon minute, moi de prendre moins de kick. J'suis pas le king d'en place. Ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque des coups de sage. J'ose en masse, ça se crisse de tout. Peur à mon meilleur, brûle les planches, une et une, tour à tour. Les geeks sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. Dream was cause I never cry. Brushing the obsession with choking the lies. Finding umbrellas to rain on loss. It's pouring like whiskey on them on and ass. With no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding dead ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness. Making love to the walls, forsaken hearts. Running, screaming, feet are stuck. Mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, you try to wake up. Shaking your head till the boat stops. My heart and you're smart to invert lies. Some have been dirt and passwords to hit behind. So you find birth, take your words, are tight. I'll make you drip like a king with no problem. Instead of all is fine, but you're my heart and you're smart to invert lies. Some have been dirt and passwords to hit behind. So you find birth, take your words, are tight. I'll make you drip like a king with no, no joy. It's simply delayed, it will come one day. It's late. It's taking its time, maybe it's lost its way. Joy qui monte d'une place en troisième position anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Gros Boc des frères Goyette. Oui, c'est rendu les deuxièmes, mais dans les deuxièmes, il y a Alex Nevsky. On l'écoutera pas tout de suite parce qu'avant ça, on va voir l'entrevue. Ben oui. Tantôt. Puis avant ça, on va voir la deuxième position anglophone. Bon. Hey, c'est proche, là. On y va dans l'ordre, ça s'en vient, là, les pas à pas, petit peu par petit peu. Tu sais? Oui. Tacatacatacata, comme dirait un de Mercy P. Tacatacatacata! Il y a une syllabe de trois là-dedans, je pense. Peut-être, j'ai pas compté les tacatacatacata, je pense. Tacatacatacata, ça fait 7. Oh! Pas pire, hein? T'as presque le rythme dans le sang? Presque! Donc, numéro 2, anglophone. Numéro 2 anglophone? Tu veux qu'on ait écouté ça? Ouais. Ben, c'est l'ancien numéro 1, mon cher. Arrête donc! Oui, oui! Ça a descendu d'une place et c'est Bathtubs de Real Canoe. Colin, c'est comme si on avait enlevé le bouchon du bain. Ça a coulé. Bathtubs. Splouche, splouche. Je sais pas nager, c'est pas là-dessus. Je l'ai pas balancé. Si tu avais pas nagé, ça serait flouche. Flouche, flouche, flouche, flouche, flouche, cette syllabe. Flouche, flouche, flouche, flouche. J'arrête. Just a lie, 'cause it's still a degree.

on a quand même. Donc, je veux le dire, on a quand même coupé le bout où Mathieu, tu dis, et merci à ton cul. Ouais, ben, tu sais, on s'est déplacé un petit peu, tu sais. Mais c'est juste tellement drôle, ça veut rien dire. Merci à ton cul. C'est juste drôle. Mais c'est ça, des fois, tu sais, juste être drôle. Oh. Ou essayer, en tout cas. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir. On écrit cette chanson-là à deux, Stéphanie et moi. Donc, copyright pour les paroles à nous, copyright pour la musique à Juicy Fruit et copyright de son cul à Alex Nevsky. Oui. Évidemment. Et voilà. Alors, on le remercie vraiment beaucoup d'être passé nous voir, nous, petite station de radio universitaire communautaire. Et on remercie aussi son guitariste qui était avec lui, Gabriel Gratton, quand bien même. Sûr. Il est pas venu tout seul. Et il y a un nom prédestiné pour gratter une guitare, on s'entend là-dessus. Gratton une chanson. C'est Gratton ça. La chanson. Oh, wow! Gratinons la don, la chanson. Ah, des calmants gratinants. Mm-hmm. Donc, on remercie Alex Nevsky, on remercie Gabriel et on remercie, dans le fond, pas mal tout le monde, hein, finalement. Qui tourne autour d'Alex Nevsky. Merci la vie. Merci la vie. Il nous reste seulement les numéros 1 à entendre dans les palmarès C'est fou de cette semaine. Et évidemment, l'émission passe tellement vite. On a eu tellement de contenu aujourd'hui. C'est comme une étoile qui passerait au-dessus du ciel. Wouhou! Voyons, ça se promène pas, les étoiles. Qu'est-ce que tu dis là? Les étoiles se promènent pas. C'est la planète qui s'étoile. Dans le fond, les étoiles restent là, puis la planète tourne et ça donne l'impression que les étoiles bougent. C'est ça que ça veut dire. Ben, c'est ça. J'avoue, non, mais quand tu y penses, c'est parce bien que, logique. Je sais pas si tu sais, une étoile filante, là, c'est pas des vraies étoiles. OK. Ce sont des particules dans, dans l'espace. D'étoiles. Non, c'est des, ben, c'est des particules dans l'espace qui vont entrer en contact avec l'atmosphère terrestre et c'est pour ça que ça fait comme des flemèches. Aïe, mais je me sens tellement innocente pour savoir ça. C'est pourtant tellement évident. C'est quoi après ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais genre faire des parodies de chansons de publicité. C'est quoi après ça? Tant qu'à faire, je vais faire qu'être idiot demain. C'est tellement notre deuxième en plus. Deuxième parodie si de pub. Je sais pas si tu te souviens de notre Cheese Quiz. Oui! Cheese Quiz Dan, la personnalité! La personnalité! On est tellement des bons chanteurs. C'est savoureux quand même. C'est tel le Cheese Whiz et la Juicy Fruit. C'est Brady Cardier incroyable. Non, mais j'étais encore des jeux de mots. Là, mais... Non, parce que à un moment donné, t'aimerais ça pouvoir faire un si bon jeu de mots. Tu sais, t'en rêves, tu sais. Mais finalement, ton rêve, tu le retrouves, puis il est comme un petit peu genre tué et mouru dans un fossé, en quelque part, genre. Avec, à côté des orignaux et d'une carcasse d'orignal qui se fait attaquer par des moustiques. Moustiques. OK. C'est un jeu de mots avec deer tick en anglophone. OK, moustique. Moustique, tic. Juste tick. Ou encore la tique, là, comme ce qui attaque un chien, mais là, à la place, ça attaquerait un orignal. T'sais. OK, je peux enchaîner? Tu peux expliquer mes jeux de mots, s'il te plaît. Parfait. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça très clair. Donc, peut-être que vous aussi, cher petit palmier, vous n'avez pas compris. Donc, je vous informe que les numéros 1 cette semaine, du côté anglophone, ça a monté d'une place. C'est « The Dreams in the Ditch » de Deer Tick. Et tout juste avant, du côté francophone, ça a monté tabarouette de 19 places. Wow. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et c'est Supernova de Brady Cardi. Et Supernova, ça, c'est ton étoile, mais elle bouge pas. Ben, c'est ça, c'est mon étoile d'affaires de chez l'étoile filante. Puis l'autre, c'était le rêve, puis le fossé. Deer, ditch, dream, ditch. Puis deer, tick, deer, c'est comme un orignal. Puis tick, c'est comme moustique. Ouais. Deer, c'est pas un chevreuil. Chevreuil, moi, ouais, ben, tu sais, hein, rendu là, hein. Ça se tue pis ça se mange. Ça se tue pis ça se mange. Ça vit dans le bois. Ben oui, c'est ça. C'est brun. Mange de la viande. Hein? Mange de la viande. C'est un bûcheron. Tu sais? Oui, parce qu'on sait que les bûcherons s'en vont dans la forêt avec leur hache pis ils te ramassent un chevreuil de même pis. Quinte, oui. Une petite bouchée pis par-ci par-là. Dis avec la fourchette. Avec la hache. Non, truc avec la hache. Okay. Il mange le steak sur sa hache. Ouais. Eh ben. Ben, fait que moi, j'irais en musique si j'étais nous. La bleue partie. The Dreams and the Ditch. Bonne écoute. Pas mal, c'est fou. Comme une supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis tout en émoi, car j'ai envie de toi. Alors que le monde tourne en rond, qu'à chaque fois j'entends ton nom.

C'était les premières positions des palmarès C'est fou de cette semaine du 21 au 27 octobre 2013. On vient d'entendre Dear Tick et The Dreams in the Ditch qui montent d'une place. Et tout juste avant, trop des francophones, c'était Supernova de Bradycardie. Oui, c'est pas mal là-dessus que ça va se terminer. On va se retrouver jeudi prochain entre 15h et 18h pour l'autre édition. On joue aussi les dimanches entre midi et 15h en rappel et on joue en version quotidienne les lundis, mardis et mercredis entre 17h et 18h. Allez voir cfou.ca pour la programmation complète. Les notes de l'émission et les balados diffusion sont sur assemblagerequis.com. Oui. Là, c'est bien cfou.ca, j'ai bien dit la bonne chose. Ça oui. Ça ressemble à ça. Bref. Merci Steph. Merci Mathieu. Paradis. Plan. Paradis plan. Plante au paradis. Non? Fleur du paradis. Fleur du paradis. C'est comme fleur. On se quitte avec une pièce bonus qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire à la position numéro 16 francophone. Et c'est moi qui l'ai choisi. Oui. C'est l'homme éléphant de El Motor. À la prochaine fois, tout le monde. Bye. Bye.